Alors, j'ai malheureusement pas lu tous tes livres, mais j'ai l'impression, quand je regarde et quand je t'entends parler, que tout commence par le dessin. Aussi bien le livre que l'écran d'épingle, c'est vraiment la chose fondamentale. Je commence par le dessin. Je commence par mettre sur papier ce qui me traverse l'esprit pour ensuite voir ce que ça signifie et élaborer quelque chose à partir de ça. Je me suis aperçue avec les années que mon intuition était beaucoup plus efficace que ma volonté. Et j'ai d'abord beaucoup plus de plaisir et je travaille mieux quand je ne sais pas où je vais et que je cherche un chemin. Mais pour chercher le chemin et le trouver, il faut d'abord mettre quelque chose sur papier. Et pour moi, c'est l'image Comment on qui. s'y perd pas? Comment on arrive à ne pas se perdre dans tout ça? Je pense que c'est une question. Moi, je crois beaucoup, beaucoup, beaucoup à la vertu de la concentration. Et si on se retrouve, je me retrouve toujours avec beaucoup d'images, il faut demander à Julie Roy, ma productrice, elle réagit très bien à ça, mais il faut que j'aille toujours très largement. Et après, c'est en regardant et en faisant des liens avec ce que j'ai que je vois où est-ce que tout ça s'en va. Et après, j'établis la structure. Et la structure, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important dans un film parce que comme l'écran d'épingle nécessite de travailler de façon aussi très intuitive, c'est la raison pour laquelle je m'y sens si à l'aise, c'est que ça fait partie de ma manière d'être, de mieux réfléchir quand je vais de façon intuitive et ensuite de construire à partir de ça. Donc, dès le départ, c'est comme ça que je le vois, mais on ne peut pas se lancer dans un projet sans aucune structure. Je pense, et ne pas finir par y passer des années et jeter la moitié de ce qu'on a fait aux poubelles. Donc, c'est pour ça que, à partir du moment où j'ai un bon bassin d'images et que je comprends où est-ce que je m'en vais, là, j'établis une structure qui est souvent très simple. Même on se demande pourquoi ça me prend tant de temps pour arriver à quelque chose de si simple, mais je pense que ça fonctionne justement à partir du moment où c'est devenu simple. Pour revenir sur le plaisir du dessin, il vient d'où? Oh, il vient d'abord depuis ma petite enfance, j'ai toujours aimé dessiner, ça me démange toujours les doigts. J'ai eu la chance, quand j'ai fait mes études, d'avoir un très très très bon prof de dessin. Il était tchèque, il était nouvellement arrivé au Canada, il ne parlait ni anglais ni français. Alors c'était vraiment le langage de l'image. Et j'étais passionnée de dessin, donc je squattais tous les cours, c'est-à-dire que j'allais aux cours qui étaient du programme, à chaque fois qu'il donnait un cours de dessin quelque part, j'y allais. Et c'est comme ça que j'ai fait finalement dans mes études. J'ai fait beaucoup, beaucoup plus de dessin que normalement j'en aurais fait. C'est toujours été quelque chose qui me. C'est un langage pour moi qui me convient. Est-ce qu'il y a un travail quand je lisais des interviews, tu disais aimer travailler, avoir un nouveau challenge à chaque nouveau livre, presque, en dessin en tout cas. Ce qui peut paraître étrange quand on travaille maintenant sur un outil, un seul outil, on va dire, quelque part. Ce plaisir du challenge qu'il y avait dans le livre, c'était à travers, je sais pas, des outils différents, travailler sur un trait différent, travailler sur une couleur différente, c'était ça? C'était, oui, les matières. J'ai exploré beaucoup de matières différentes. J'ai exploré aussi beaucoup selon les livres que j'ai, les textes avec lesquels j'ai travaillé. J'ai exploré aussi beaucoup de choses au niveau de la composition de l'image. Mais tout ça tourne beaucoup autour du procédé de travail, qui est vraiment une partie fondamentale, je pense, du travail d'un artiste, la façon dont on attaque le travail créatif. Et ça, l'écran d'épingle me le donne avec beaucoup, beaucoup de possibilités. J'ai pas fini d'en faire le tour, hein. Alors non, c'est pas parce qu'en ce moment je n'ai qu'un seul outil à ma disposition que j'ai une seule manière de procéder avec cet outil. Je pense que c'est un côté très naïf peut-être de quelqu'un qui ne travaille pas sur l'écran d'épingle et qui se dit, qui voit qu'une surface comme moi et qui dit bah, comment on peut travailler En fait, c'est de que cette manière. surface-là, à Fontevraud, dans une table ronde, à un moment donné, quelqu'un parlait ou faisait une intervention en disant, par rapport à la prise de vue réelle, ben, nous, on travaille avec des acteurs, vous en animation, vous contrôlez tout. Et moi, je disais, non, moi, j'ai un acteur, il pèse 65 kilos, et il prend beaucoup d'espace, il a une très, très forte personnalité. Et je le ressens comme ça. que je ne suis pas seule, parce que c'est pas, c'est un instrument qui nous permet de faire des choses très précises si on le veut, mais ce n'est pas un outil de précision. Et il y a des choses qu'il ne veut pas faire, ou il y a des choses qui peuvent devenir un cauchemar si on souhaite les faire, à cause toujours de cette question des outils avec lesquels on travaille sur l'écran d'épingle, qu'il faut trouver, qu'il faut bricoler soi-même, qu'il faut et les restrictions, parce que les matières sont pas toujours les bonnes, donc il faut pas abîmer l'écran, il faut pas ci, il faut pas ça. Donc, des fois, on a quelque chose en tête qu'on voudrait faire, mais l'écran, il n'a pas envie de ça. Par contre, lui, des fois, il nous fait faire des découvertes vraiment surprenantes qui sont dues à la lumière, qui sont dues à tout cette mise en scène dans laquelle l'instrument se trouve et qui ressemble à rien de ce qu'on aurait pu imaginer. Ça, c'est un vrai cadeau. Et dans ce sens-là, je ne suis pas seule. Il fait plus que la moitié du travail, hein. On va revenir là-dessus. J'aimerais revenir juste sur comment est venue la possibilité d'adaptation de Nuit d'orage. Comment on passe d'un livre, finalement, à l'animation, qui n'était pas forcément le premier but. Non, pas du tout. Et même moi, j'ai jamais pensé de faire de l'animation. J'ai jamais pensé que je ferais du cinéma un jour. C'est un domaine dans lequel je m'y connaissais très peu. J'étais comme le public normal, amateur, mais pas. Je me suis jamais projetée dans l'idée de faire du cinéma. Mais c'est vrai que Nuit d'orage était un livre qui avait une structure qu'on pouvait très facilement imaginer transposer en film d'animation. Et au moment où ça s'est passé, ou au moment où ça m'a été proposé, je me suis dit, mais je ne peux pas dire non, c'est impossible. Même si j'avais aucune idée, tout ce que je savais, c'est que l'animation, c'était monstrueusement long. Et voilà, je suis plongée dans le projet avec ça. Il y avait déjà l'idée de le réaliser? C'est-à-dire que quand tu as proposé l'adaptation de Nuit d'orage, est-ce que c'est l'ONF qui est venu En fait, non, c'est l'ONF qui m'a approché Oh, pour. d'accord, ouais. Donc, l'idée m'a été soufflée par l'ONF. D'accord, même de réaliser le film en Ben, ils fait, m'ont pas demandé forcément. si je voulais présenter un projet d'adaptation. Alors, c'est ce que j'ai fait. Et finalement, il a été accepté et on a fait le film. Mais au départ, moi, j'aurais jamais pensé même d'aller voir l'ONF ou de faire une adaptation film. Ça m'aurait même pas traversé l'esprit. C'est un sujet difficile pour les enfants. Comment on le traite, cette place dans l'univers Ben qu'on moi, voit? je l'ai traité. Nuit d'orage, il est né de la même façon que les films naissent aussi, d'une période de ma vie, en approchant un chiffre rond qui m'impressionnait. Et donc, j'ai beaucoup dessiné dans cette période de temps. Et c'est en regardant les dessins que je faisais, j'avais envie de faire un livre pour moi. J'avais fait pas mal de livres, j'ai travaillé beaucoup pour une maison d'édition aux États-Unis. Et bon, la question de la censure et de l'autocensure est très forte aux États-Unis. C'est une bataille constante pour arriver à faire des trucs qui vraiment pas. Ils ne méritent pas une censure. Mais il y a une lourdeur là-dedans. Et je m'étais dit, pour mes 40 ans, je m'offre un livre que je fais comme je veux. Si personne ne publie, c'est tant pis. Moi, je le ferai en noir et blanc, je ferai des photocopies et je l'offrirai à mes amis. C'était un cadeau que je voulais faire à mes amis autour de moi pour mon anniversaire, offrir ce livre-là. Donc, je l'ai fait sans aucune ambition nécessairement de trouver preneur auprès d'une maison d'édition, mais j'avais envie d'écrire des choses qui me soient très proches. Et avec ces dessins-là, en les regardant et en les classant, j'en avais beaucoup, j'en avais des centaines, et je classe les dessins, je les mets ensemble, et c'est toujours intéressant de voir comment la rencontre entre deux dessins qui ont été faits dans des circonstances différentes, tout d'un coup, fait jaillir une idée ou fait comprendre même un sentiment qu'on a, mais sur lequel on n'a pas très bien réussi à mettre des mots. Et les mots viennent au moment où les images, en tout cas pour moi, ils viennent au moment où les images viennent ensemble. Et finalement, j'ai compris en regardant ce livre, en fait, en regardant ces images, que, en fait, on dit souvent quand on veut, on donne comme conseil à un écrivain, si vous voulez écrire un livre, écrivez sur ce que vous connaissez le mieux. Et moi, en regardant les images, en regardant toutes les interrogations que j'y voyais, qui étaient inscrites dans les images, ben, j'ai compris que ce que je connaissais le mieux, c'était tout ce que je connaissais pas. Et donc, j'ai décidé de faire un livre sur toutes les questions sur lesquelles je n'ai aucune réponse. Et le texte, lui, il est venu très spontanément. Il est venu, ce sont les questions de mon enfance formulées de la même façon que dans ma tête, elles se formulent aussi. Quand on se lance dans l'animation, c'est quelque chose de complètement différent. Tu connaissais déjà un petit peu des films d'animation, il y avait des choses qui t'avaient Oui, j'en marqué. connaissais, oui. Quand tu te lances dedans, il y a un moment donné où il y a un moment donné un peu effrayant où on se dit non, pourquoi je suis rentré là-dedans. Mes illustrations, en effet, je fais des dessins, j'en fais des centaines, j'en récupère, comme tu le dis. J'ai déjà une manière de créer en travaillant sur deux images. Tiens, ça veut dire ça. L'animation, c'est un tout petit peu différent. Est-ce que tu rentres assez facilement dans ce processus? Le premier film que j'ai fait était peut-être plus éloigné de mon processus de création que l'écran d'épingle. Donc, il y a eu une adaptation, importante. Quand j'ai commencé, je me souviens de m'être dit, bon, je vais apprendre le véritable sens du mot « long ». Et ça a été, évidemment, c'est toujours un premier choc. Mais bon, en général, je suis assez vaillante et c'était pas le pire. Ce que j'ai trouvé difficile au départ, parce que j'ai travaillé avec une équipe, c'était de tout planifier à l'avance et de voir. Ça, pour moi, ça m'était pas naturel. Je l'ai fait volontiers. Mais quand j'ai eu terminé le premier film, c'était vraiment pas évident que j'allais en faire un autre. Et c'est vraiment l'écran d'épingle qui m'a fait voir, OK, j'avais pas compris parce que j'avais jamais réfléchi à la chose, que j'étais faite davantage pour le direct que pour le travail en équipe où on planifie et on cimente un scénario au départ et ensuite on le réalise. Ça, c'est pas trop pour moi. Alors, pour finir sur ce premier film, hein, à la fin, la morale, est-ce qu'il y a une morale? Est-ce que c'est vivre? C'est aussi plutôt vivre justement que de se poser que des questions et à un moment donné, il faut savoir un peu lâcher ça. Pour moi, ce n'est pas une morale, c'est un geste naturel d'un enfant et je pense à moi et je pense à plein d'enfants qu'à un moment donné, on peut rentrer très profondément dans le questionnement et là, tout d'un coup, il y a un chien qui passe dans la rue puis « Ah, mais tiens !» puis c'est... ça fait partie de nos vies et c'est pas incompatible avec la vie. Ça peut nous accompagner, mais c'est pas forcément une lourdeur ou un seul moment qu'on essaie d'éviter après à tout prix. On peut passer de l'un à l'autre. La vie est toujours très proche. On a besoin de cette légèreté. Oui. À un moment donné. Oui. Comment se fait la rencontre alors avec ce fameux écran? Alors, elle s'est fait de façon très, très amusante. Au moment où je faisais Nuit d'orage, Jacques faisait son dernier film, Jacques Drouin faisait Empreinte, son dernier film. Donc, j'allais le voir régulièrement parce que ça me fascinait, cet objet-là. Encore une fois, jamais je m'étais projetée sur cet écran. Jamais j'ai pensé que je ferais quelque chose là-dessus parce que pour moi, c'était l'écran de Jacques Drouin et on se pense tous immortels. Donc, on amène dans notre immortalité les gens qu'on côtoie. Et bon, je voyais pas de faire ça, j'ai jamais réfléchi. Par contre, à un moment donné, quand Jacques a eu terminé Empreinte, ici, dans un petit bout de corridor ici à l'ONF, il me dit, écoute, je pense à organiser une passation, toi qui enseignes depuis si longtemps, est-ce que tu as peut-être des gens que tu pourrais me suggérer, des gens qui pourraient être intéressés à travailler sur l'écran d'épingle? Et je me souviens de m'être entendue répondre, oui, moi. Mais je n'avais pas réfléchi, mais ça a sorti comme ça. J'ai dit oui, moi j'aimerais ça. Et c'est resté comme ça. Et il a passé beaucoup de temps. Il s'est passé peut-être 6 mois, même plus. Et Jacques, plus tard, m'a appelé pour m'inviter à venir participer à cet atelier de passation et dans lequel on était 9 personnes. J'avais vu l'écran déjà, mais en général, on ne s'approche pas trop près, surtout quand quelqu'un est en production. Tu ne veux pas me briser quelque chose, quoi que ce soit. Je n'y avais jamais touché non plus, mais je ne l'avais jamais vu de très, très près, comme on le voit quand on y travaille, c'est-à-dire à une distance de moins de 20 cm. Et ça a été une révélation. J'étais vraiment soufflée. Parce que ce que je n'avais pas saisi, c'est l'omniprésence de la matière. Tu es vraiment, tu travailles, mais tu vois la matière. C'est comme si tu peignais avec des pigments et que tu vois les pigments, tu les vois s'amalgamer. Il y a quelque chose qui se passe sous nos yeux qui est vraiment impressionnant. Et ça se passe aussi continuellement sous nos yeux parce que on est forcé, puisqu'on travaille de derrière et de devant, on est forcé à une distance qui est pas très grande. Donc on a le nez collé dessus. Et c'est un peu une des difficultés, c'est que tu travailles à une image, mais tu n'as pas de recul. Donc si tu fais un visage qui est plus gros que le tien, ben, tu n'as pas de recul. Alors tu peux pas. Mais ça fait que cette omniprésence de la matière, pour moi, c'était extrêmement inspirant. Les années de gravure avant ont aidé, ont été importants Je pour. pense que les années de gravure, et c'est intéressant de savoir qu'Alexeïev était graveur, que Jacques Drouin a fait une formation en gravure, moi aussi j'ai une formation en gravure. Est-ce que c'est le hasard? Est-ce que c'est la rencontre entre l'amour des teintes de gris, du métal? Je ne sais pas, mais c'est un hasard qui est intéressant. Dans le grand ailleurs et le petit ici, il est encore, comme dans le premier, question de place de l'être humain dans l'univers. Est-ce que comment est venue l'histoire? Est-ce que ça a été une comment ça s'est passé, genre, la genèse? La genèse, c'était vraiment cette première minute-là, au moment de la passation, où on était donc tous ensemble, et c'était un truc quand même assez public, avec des gens qui circulent, mais quand j'ai eu mon heure et demie à moi devant l'écran, j'étais complètement absorbée donc par cette rencontre avec la matière. Et là, c'est venu connecter avec des idées que j'avais dans la tête depuis longtemps, mais je ne savais pas comment développer, et qui remontait à une expérience que j'ai eue, qui m'a beaucoup, beaucoup frappée, beaucoup impressionnée. J'ai voyagé dans l'Arctique à un moment donné, et la rencontre avec le vide, c'est très, très impressionnant. Quand on est dans les zones arctiques, et c'est complètement vide, et donc j'avais fait toutes sortes d'expériences que je dirais presque un peu métaphysiques, si tu veux, avec le vide, un peu angoissantes aussi, mais à la fois qui te remettent à ta place comme être humain. Et donc j'avais toujours eu envie de faire quelque chose avec ça, mais je ne savais pas comment le faire. Et là, quand j'ai d'abord vu les particules et ensuite j'ai vu l'écran, et j'avais l'impression de voir devant moi une métaphore de l'univers, d'avoir les particules qui le constituent, qui s'assemblent pour former la vie, mais qui toujours vont se désassembler et pour former d'autres vies. J'avais la face avant et la face arrière de l'écran, j'avais la face cachée de l'univers, j'avais cette rotation. Et ça, dans ces premières minutes-là, je me suis dit, mais c'est là que je veux être, c'est cet instrument-là. Et donc le scénario, et en plus, j'avais eu le bonheur de me casser une cheville en me rendant à l'atelier. Ce qui fait que, bon, j'avais le pied tout enflé. J'ai pas pu aller travailler le lendemain et le surlendemain, ce qui était très bien, parce que j'ai été collée au lit pendant 2 semaines, et c'est là que j'ai écrit le scénario. Donc, de l'atelier qui avait duré 2 jours, j'ai pu rentrer tout de suite dans une bulle, et dans mon lit, j'ai tout écrit, et je voyais très clairement le chemin que j'avais envie d'emprunter. Donc la passation ici s'est faite plutôt de manière évidente. C'est toi qui a Ben moi, été j'ai la sauté personne dessus tout de et. suite. Je voulais être la première à envoyer quelque chose. Et tu vois, ça a été une question de. Je pense que c'est 2 semaines plus tard que j'ai envoyé quelque chose. Mais j'étais très, très convaincue Ouais. que j'avais envie d'explorer la chose. Par contre, j'avais aucune idée si j'en étais capable. Donc, après le moment où j'ai présenté le projet et qu'on a décidé que c'était ce projet qui serait sélectionné, là, j'ai demandé d'avoir un mois pour tester, pour voir si j'étais capable de faire. Parce que moi, j'ai pas de formation en animation. J'ai jamais animé non plus. C'est-à-dire, dans Nuit d'orage, j'ai animé. Oui, j'ai animé. J'ai animé les scènes d'orage, toutes les scènes extérieures. Mais faire marcher des personnages, faire bondir la balle, j'avais jamais fait ça. Alors, j'avais aucune idée. Ça m'inquiétait beaucoup. Et donc, j'ai demandé un mois pour travailler. Et ça s'est déroulé de façon très amusante parce que, d'abord, j'étais malade, malade. J'avais une bronchite pas possible. Et je commence à travailler. Puis pendant que les gens autour installaient, donc Pierre Plouffe qui s'occupe de l'imagerie numérique, il installait la caméra et tout ça. Et donc, moi, en attendant, bon, je faisais des trucs sur l'écran pour m'amuser, pour essayer de sentir. Et j'ai fait un dessin qui était un peu trop complexe en principe pour animer, mais que j'ai fait en attendant que ce soit prêt. Et au moment où on m'a dit, bon, mais c'est bon, tu peux commencer, Ben là, j'avais et ça, c'était à la fin de la journée, donc le lendemain matin, je rentre, et là, j'avais cette image qui était complexe sur l'écran. Et moi, dans le métro, je m'étais dit, bon, ben, je vais faire bondir une balle, après, je vais essayer de faire tel truc. Mais là, j'ai eu le premier choc, c'est-à-dire que chaque image qui est là, on devra l'effacer. Et donc, le matin, je suis arrivée, j'ai vu cette image un peu complexe, mais là, je n'avais pas envie de l'effacer, j'avais envie de la regarder encore un peu parce que ça me plaisait bien. Et ça m'a forcé, le hasard a fait que je me suis dit, bon, ben, il faut que j'anime ça, puisque c'est ce qu'il y a là. Et là, ben, j'ai commencé tranquillement, j'ai essayé des trucs et je l'ai fait bouger. Et je me suis rendu compte très vite que même une image complexe, que j'arrivais à la faire. Alors, c'était bien finalement que je commence par quelque chose qui était en principe pas à ma portée, parce que ça m'a fait voir que oui, il y a des façons de faire et que je peux y arriver. Oui, finalement, travailler une animation peut-être un peu d'une manière différente que justement la balle, que travailler par des exercices traditionnels. Exactement, Ouais. exactement. Et de toute façon, comme je ne connais pas ces exercices-là, comme je ne sais pas comment on fait, ben, mais par contre, j'ai beaucoup de dessins. J'ai beaucoup, beaucoup dessiné dans ma vie. Donc, je me suis fiée à mon intuition. Et ça a été probablement aussi, ça a eu ça de bénéfique, c'est que ça m'a fait tout de suite aussi emprunter la voie qui est celle la plus naturelle de l'écran d'épingle, que si on fait bouger un personnage, ben, il va un peu là où on voudrait qu'il aille, mais il va aussi là où il voudrait aller, puis il se rend là où l'écran l'envoie aussi, puis bon, ben, on change au fur et à mesure. Et après, je dirais après 3 jours, je savais que c'était le bon instrument. Ouais, justement, on écrit un scénario, en tout cas on travaille sur une histoire. L'écran d'un seul coup nous fait partir sur d'autres chemins. Il y a des fois où on se dit qu'il y a eu beaucoup de modifications pendant le film, qui est compliqué parce que à la fois ça peut paraître, pour quelqu'un qui ne connaît pas, ça peut paraître un peu opposé. À la fois, dès qu'on efface une image, elle est finie, et à la fois on a l'impression qu'il peut y avoir une liberté aussi. En tout cas, comme tu le dis souvent, non, ça l'écran va pas le faire. Comment je fais autrement pour le faire? Et beaucoup de choses ont changé pendant la réalisation du film. Alors, anecdote qui est intéressante, j'avais eu le conseil de Jacques qui m'avait dit à moi, mais aussi à Julie Roy, de ne pas faire un scénario trop fermé, de ne pas viser un storyboard, mais plutôt, lui, ce qu'il avait fait pour le paysagiste, il avait fait, je crois que c'était 20 ou 24 tableaux différents, et c'était son point de départ. Et moi, j'avais fait beaucoup d'esquisses en dessin, j'avais fait quelques images sur l'écran d'épingle, et au moment de la présentation du projet, j'ai surtout écrit un texte d'intention, dans lequel je suis allée quand même assez en profondeur, décrivant toujours là où je voulais aller, mais ne disant jamais comment je m'y rendrais, parce que je ne le savais pas. Donc, mais pour chacune des parties du film, je savais où je voulais aller. Les moyens d'y parvenir, ça c'était ouvert. Et donc j'ai proposé ce texte-là. Et finalement, quand je regarde au bout, quand j'ai eu terminé le film, il y a eu cette anecdote donc très drôle. J'avais pris un congé sans solde de l'université pour réaliser le film. Et donc j'avais terminé l'image, mais il y avait encore la post-production à faire, ce qui est quand même pas mal de boulot, mais ça tombait au moment où je retournais à l'université plein temps. Et là, comme c'est souvent le cas, ben là on me demande un rapport sur ce que j'avais fait pendant ce congé sans solde, que je n'avais pas le temps d'écrire. Et je me suis dit, si je prenais mon texte initial et que je changeais le futur par l'imparfait, est-ce que ça fonctionnerait, que je pourrais me débarrasser de ce texte-là rapidement? C'est ce que j'ai fait. Et ça m'a vraiment surpris parce que je me suis aperçue, non seulement ça marchait très bien pour mon fameux papier à écrire, mais je me suis aperçue que j'avais fait exactement ce que je voulais faire. Que tout collait exactement. Par contre, les images que j'avais fournies pour accompagner, il y avait peut-être le tiers que j'avais utilisé et beaucoup d'autres pour lesquels j'avais fait des choses complètement différentes. Donc les intentions sont Les intentions sont vraiment restées. importantes, Les ouais, intentions c'est sont importantes pour fondamental. pas se perdre. Mais les images, les esquisses, ce qu'elles permettent, c'est d'avoir suffisamment exploré le sujet pour qu'au moment où je suis devant l'écran et que là, il faut que je décide quelque chose, j'ai fait plein de choses sur cet endroit où je veux me rendre. Donc, je choisis selon ce que j'ai déjà expérimenté. Et des fois, il se transforme en tout à fait autre chose. Des fois, il reste un peu ce que c'était. Mais je pense, pour moi en tout cas, qu'il faut que j'aie ce bassin d'images-là. Sinon, je risquerais trop de soit perdre mon temps ou de tomber dans des trucs plus vus, connus, parce que c'est souvent les premières images qui nous remontent à la surface. Ça peut faire peur. Là, on est évidemment à l'ONF. Ça peut faire peur à un producteur. C'est important d'avoir un producteur comme l'ONF pour, Oui. ouais, pour Ah oui, pouvoir travailler justement toutes ces images, parce qu'on se dit, il y a un producteur qui écoute et qui se dit, oui, c'est bien beau de faire des images, mais à un moment donné, il faut passer à ça... autre chose. Bon, j'ai le grand privilège, et je ne le dirai jamais assez, de travailler avec une productrice extraordinaire, Julie Roy. Elle est solide, elle comprend la création, elle comprend, mais en profondeur, et elle sait aussi, elle nous comprend chacun de nous, ses poulets. Elle nous comprend et elle perçoit quand même assez rapidement notre méthode de travail, ce dont on a besoin. Donc, elle s'organise pour qu'on ait ce qu'il nous faut pour avancer, mais dans cette manière de faire. Et ce qui est très important, c'est de sentir qu'elle n'a pas peur. Parce que quand le producteur est inquiet, c'est sûr, ça nous imprègne aussi. Et on finit par faire un tas de choses pour rassurer le producteur qui ne sont pas nécessairement gagnantes pour le film. Et de sentir qu'elle n'a pas peur, qu'elle a confiance, mais elle pose des questions. Et elle sait poser des questions, elle sait interroger un projet, et elle se souvient d'une fois à l'autre. Ça aussi, c'est très important. Elle sait toujours où je suis. Même si elle est très occupée, elle fait plein de choses à la fois, elle sait toujours où je suis. Je pense que c'est pour chacun de nous comme ça. Donc, quand j'ai tout d'un coup une urgence et j'ai besoin de la consulter, c'est pas très long avant qu'elle rentre dans le projet parce qu'elle a cette capacité d'avoir dans sa tête plusieurs modes de réflexion et de création. La musique est très présente dans le film et il y a d'un seul coup, pas comme une rupture, mais je trouve dans la quatrième partie, où là d'un seul coup on joue beaucoup plus sur les sons. Comment ça a été travaillé ça? C'était avant, tu avais déjà la bande son ou non, les images ont été faites et ensuite il y a eu un accord avec les gens du son, enfin un travail évidemment avec les gens du son. Le son, en fait, de la musique, il n'y en a que dans la troisième partie. Il n'y en a ni dans la Ni dans la première, première, dans... non, ni dans la deuxième, ni dans la Non, quatrième, ouais. sauf, en fait, la dernière, il y a un petit segment à la fin. Et on a eu une première rencontre, Olivier Calvert et moi, et Robert Marcel Lepage, pour discuter du son. Et ce que je voulais, en fait, c'était en discutant avec Olivier. Pour moi, c'était une histoire de particules qui s'assemblent et qui font de la vie, et comment on transpose ça en son. Et pour Olivier, c'était un défi très très amusant parce qu'il disait, ben on peut faire des particules avec le son aussi, on peut le décomposer. Et on en est vite venu à cette vision-là que finalement, sauf le moment où on est dans la mémoire du personnage, et donc cette mémoire-là, elle est dans une vie organisée, le son doit être organisé. Et du son organisé, c'est de la musique. Mais le reste, c'est du son non organisé, c'est de la matière qui cherche à prendre vie. Donc, c'était toujours un travail de conception sonore basé sur du bruitage. Alors, mais je trouve ça intéressant que le souvenir qui t'en reste, c'est qu'il y a beaucoup de musique. C'est un très bon point pour Olivier parce que il a réussi cet exploit finalement de créer aussi cette distance. Parce que quand on a commencé à travailler aussi, c'est-à-dire quand lui s'est mis au son, la première chose que je lui ai dite dans le briefing qu'on avait ensemble, je lui ai dit, écoute, c'est pas parce qu'un vase tombe par terre qu'on doit forcément entendre du verre qui se brise. Mais on peut entendre les pleurs de la grand-mère qui a reçu le vase en cadeau, on peut entendre toutes sortes de choses qui ont rapport avec tout ce qui peut concerner ce vase-là, autant sa substance que sa mémoire. Et finalement, je pense que c'est la seule chose que je lui ai dite qui était un souhait de ma part. Et ça, Olivier, je pense qu'il n'y a rien qui lui fait plus plaisir que de pouvoir décoller de la réalité. Et après, c'est lui qui est arrivé avec des propositions. On s'est beaucoup, beaucoup amusé. Ouais, je crois que ça se sent. Si j'ai aussi cette quatrième partie, c'est c'est une partie qui est vraiment peut-être ma préférée, on va dire. C'est vrai que je sens qu'il y a une force là entre les deux qui colle de manière assez merveilleuse. Enfin, il y a quelque chose d'assez fort et qui, en effet, souligne. Les deux se soulignent. Il y a un vrai, comment dire, ouais, une vraie osmose là Oui, quand entre les deux l'écran se parties. retourne et que les épingles se remettent, en fait, quittent leur rôle de particules de cet être-là pour se disperser. Dans mon idée, c'était comme un dernier petit coup avant de se séparer, de dire bon, on se colle un peu encore ensemble, on fait cette petite danse, cette petite ronde avant qu'elle se disperse, avec ce souhait que j'ai peut-être que si on est toutes des petites particules qui se défont, bon, je ne crois pas trop, moi, à la survie du corps et de l'âme et tout ça, mais j'ai peut-être quand même ce souhait que les petites particules qui nous ont constituées conservent une légère mémoire de tout ce qu'elles ont fait dans leur éternité de particules. Alors, c'était un peu ce que je voulais symboliser avec cette musique. Petite question, peut-être un peu plus technique, un peu naïve. Il y a des longs travelling latéraux à un moment donné. Comment c'est fait? C'était une toute petite illustration et... Non, non, ou alors c'était... Non, ça c'est de la couture. C'est de la couture. J'ai fait les images en segments. Et en les concevant, je me suis organisée pour qu'il y ait toujours des parties de l'image sur lesquelles je pourrais faire un découpage. Mais comme l'écran, il est éclairé d'un côté, donc on n'a pas la lumière n'est pas la même du côté gauche du côté droit de l'écran. Donc je l'ai fait en accordéon, c'est-à-dire que j'ai fait des tableaux, mais une fois à l'endroit, une fois à l'envers, une fois à l'endroit, une fois à l'envers, et je les ai ensuite cousus ensemble sur Photoshop. En fait, c'est pas moi qui ai fait le travail de dentelle, c'est Benoît Chagnon qui m'assistait là-dedans. Donc on a repositionné les portions d'écran qui correspondaient par l'éclairage. Je me dépêche un peu, on n'a pas tant de temps que ça, donc voilà. Hubert Reeves, pour l'inspiration. Hubert Reeves, c'est que j'ai tout lu d'Hubert Reeves. J'ai tout lu, c'est un excellent vulgarisateur. Et bon, pour moi qui connaissais peu de choses en astrophysique, et même si finalement il n'y a rien d'une leçon d'astrophysique dans mon livre, mais comme j'aime bien prendre des... Je prends souvent des chemins un peu longs, mais j'ai lu pendant presque toute la durée du film, pendant 2 ans et demi, j'ai presque lu que des choses d'astrophysique et je me suis passionnée de tout ça. Et c'était Hubert Reeves qui, dans ces lectures-là, que j'ai d'abord été capable de comprendre suffisamment pour ensuite passer à des choses un peu plus difficiles. Le premier était, il y avait beaucoup de dialogues. Là, il n'y a pas de dialogue. Est-ce que se confronter justement à l'univers, enfin voilà, les particules, etc., sans dialogue, c'est complexe, ou on se dit, ben tiens, j'ai à avoir d'autres outils, moi, que justement le langage scientifique, ou en tout cas, pour essayer de transmettre ça? Oui. Moi, ça me plaît bien, sans parole. J'aime bien, et ça, c'était aussi la même chose dans mon passé d'illustratrice, j'aime bien représenter des choses... très abstraite avec une image figurative. Je trouve que c'est un défi extraordinaire de faire cette transcription-là de l'abstrait par du concret. Et finalement, les titres, les quelques mots qui interviennent, pour moi, étaient suffisants pour tricoter le tout ensemble. Je ne sentais pas la nécessité qu'il y ait ni un monologue, ni une voix qui raconte. Le nouveau film en est où? Est-ce que ça y est, les carnets sont écrits, il y a 50 carnets qui ont été faits? Ben, et puis... j'en ai pas mal. je vais passer en production en janvier. Et là, je suis encore en train d'installer, faire des tests, aussi travailler à la préparation des images. J'ai écrit le fameux texte que je traduirai à l'imparfait peut-être pendant quelques années, mais ça, c'était pour moi important. C'est un travail quand même assez long, de vraiment vérifier où est-ce que je m'en vais, où est-ce que je veux aller, de quoi je parle exactement. Et là, ben, j'essaie de voir tous les chemins que je peux emprunter pour me rendre et rendre aussi, amener le spectateur là où j'aimerais qu'on se rende à la fin. Il y a un plaisir différent quand on fait un second film, quand ça y est, on a fait le premier film, il a tourné, les gens l'ont vu, on a eu des retours, etc. Et d'un seul coup, on se dit, bon, allez, là, on va attendre ce deuxième film. Enfin, oui. Les gens vont l'attendre. Est-ce qu'il y a une pression, mais plus un plaisir? Oh, c'est un autre, plaisir, ouais. c'est un plaisir, parce que c'est un film qui sera ex très expérimental. Il y a beaucoup de choses que je veux essayer, et l'écran est loin d'avoir livré tout ce qu'il a livré. Et la rencontre aussi de cet outil, de cet instrument très archaïque avec des technologies qui sont contemporaines, c'est toujours une rencontre qui est intéressante, et il y a toutes sortes de choses que j'ai envie d'explorer là-dedans. Et c'est pour ça que, à la base, dans cette trame, je me suis laissé beaucoup de place pour l'expérimentation. Et alors, ça fera un film plus expérimental. Oh bah vivement ça alors. On va pas dire dans combien de temps parce que Non, ça, c'est on la sait pas, question hein, que c'est vous la savez question. qu'il ne faut pas poser. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Merci, merci infiniment.